SFN, c'est des gorges tranchées dans des caves. La nôtre ou celle des autres, je sais pas. 700 grammes dans le cul, vas-y fais la taupe. Si t'as sort le ciseau, Blackhead fait la coupe. Blacky t'attend, bébé. Tu sais que je suis moche, moi. Jump sur ma sœur. Ah. Je vais te faire du cinéma. Ton combat, c'est mon combat, espèce de cave, tu comprends pas. Le premier qui veut tester, bâtard, je sors à Galaga. Bozo pour la Guala, qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme moi? Sauf que moi j'avais pas le choix. C'est Bozo pour la Mala, qu'est-ce qu'ils ne font pas comme nous? Ils puent la merde, c'est des fous. Quelques traîtres au sein du camp. On le sait, on fait semblant. La cause est tellement grande, bâtard, je suis prêt à partir sans les gants. À finir dans les faits divers, le travail ça paye. Bientôt c'est nous en fourrure qui glissons au sport d'hiver. String qui dépasse, bientôt c'est nous on fait la pause. Si t'as un problème avec ça, je mets ma top dans ta route. Je vois que des swag chaser, je vois que des mini merdes. Ça fait les foufous à la mort, ça se croit dans mes nimen. Là je sors de ma carapace, je viens de péter l'hymen. La lumière me brûle les yeux comme 100 000 lumens. Va avec tes oreilles crasses, se plaignent de cérumen. Et prépare-toi à tanker les bougnias de SFN. Y'a de l'espoir les mômes. Y'en aura toujours. Personne nous a battus, personne nous abattra. La peur change de gant, bande de pute. Je suis effrayé carrément, je sais, elle va envoyer un truc derrière, vous allez serrer. On va continuer de vous éduquer encore et encore, bande de merde. Si c'est assez maman, papa c'est femto. Pris chaque jour un peu plus pour la mort de Papacito. Go on, babe. Pour cette monde-là, ça n'a pas fait dans les métissages. MNJSP caléne, je colle sur le métissage. Bon, pour venger la petite d'avant, je dois brasser les PY d'un tech. Je cramais le galet dans le champ d'à côté, pas dans tes soirées tech. On n'est pas méchant, tu sais, juste on aime pas les gens. On passait devant tous les jours, on cala pas les champs. Deux teufs dans les oreilles du grand bout qui nous crie alléchant. Plus fort gamin, ça tend l'oreille, seulement si l'offre est alléchant. Sous cacher le ref, allez nous cracher dans l'entrée du virage. 4 heures pétantes, t'en fais de l'attente pour faire les voitures du village. De ce cas de con, j'en fais partie, j'suis dans la con. Sauf toi t'es où? J'suis dans la cave, envoie des sous, j'suis pas la cave. C'est la vraie vie, jamais j'vends du rêve de Dubaï. J'poule pas avec le fancy trip au père de Boomer. On s'en bat les de la structure, j'vais manger nos longs verres. On peut pas venir à ta fête, j'ai peur d'en sortir le gland gère. Voilà, ça va falloir bien la réviser les jeux. Attendez, il manque le soin, chat, on reprend. Dieu merci, j'fais l'argent sans le texte. Lance les dés, j'mets toutes les stats en texte. On a pop, toi qu'est-ce que t'attendais? Écoute-moi faire comme nous petits, vaut mieux pas tenter. Avec de chromis à 100 balles, donc remballe ta peau ballon, la sent pas. Dans les bureaux de Virgin pour cette chiffre ou l'attentat. Construit bien pire que Babylone de la pampa. Papa, maman, bâtard, c'est pas tes grands pas. On compte pas finir pendu près des remparts. Voyez sortir le 2 et faire tout en bas. C'est pas que dans ma tête, puis le 2 te me rend pas. Et va visite un Mirland. On s'est tué pour ça, tu fais le difficile. Si tu fais la folle, on sort le domicile. J'imprime d'ici, jamais je sors du domicile.